d'épaissies iscoutées. Sous un feu de rocher, j'ai appris à lire entre les arbres, à compter les cailloux dans le ruisseau, à donner un nom à tous les métaux, tels que le quartz ou le marbre. J'ai appris à nager avec le saumon, à le suivre dans les grandes rivières, à monter le courant de peine et de misère, sans me plaindre et sans serment. J'ai appris à prendre le visage de chaque saison, à goûter la douceur d'un printemps sur mes joues, à savourer la chaleur d'un été sur mon cou, à grandir dans l'attente d'un automne coloré et long. Mais c'est uniquement sous un feu de rocher, à l'abri d'un hiver froid et solitaire, que j'ai entendu les battements de la terre, et c'est là que j'ai appris à écouter.